On va parler des quatre méditations de protection, Metta Bhavana, Asubha Bhavana, Maranasati et Buddhanusati. Sur ces quatre méditations de protection, le troisième, c'est-à-dire la contemplation des parties non attractives du corps. Pourquoi devons-nous nous concentrer sur le fait que le corps ne soit pas attractif? C'est parce que le Bouddha a donné la priorité à la pureté de l'esprit, sur la pureté de l'esprit et la beauté d'un esprit pur. La pureté physique est seulement momentanée. Il peut au plus durer le temps de cette vie-ci, tandis que la pureté de l'esprit dure plus longtemps et peut durer jusque pendant le samsara. C'est pourquoi il est important de se purifier l'esprit plus que le corps. Les personnes qui aiment la beauté du corps vont de plus en plus rechercher cette beauté du corps. Mais Sayadaw va parler de la façon de purifier de l'esprit. Donc de la tête aux orteils, les gens vont essayer de se rendre beaux physiquement. Sayadaw ne va pas parler de cette purification du corps. Est-ce que Sayadaw va parler de l'effort pour se purifier le corps? Donc si vous demandez à Sayadaw est-ce qu'il aime la beauté, il veut être plus joli, c'est pour ça qu'il se rase la tête. Les yogis peuvent toujours s'embellir en mettant des beaux habits ou en s'embellissant. Les gens peuvent se regarder dans de l'eau ou dans un miroir pour se voir, pour voir leur reflet. Mais s'ils n'ont pas ça, comment peuvent-ils vérifier? Vous pouvez seulement voir votre propre reflet dans l'eau, dans un miroir. Lorsque vous vous regardez dans un miroir et que vous avez le désir de ce que vous voyez, lorsque vous vous regardez dans un miroir, ce n'est pas une offense, c'est lorsque vous aimez ce que vous voyez que c'est une offense, surtout pour un moine. Donc si vous demandez à Sayadaw s'il aime la beauté, il aime encore plus que tout. La raison pour laquelle il dit qu'il aime la beauté, c'est qu'il suffit de mettre un habit et c'est tout. Donc la beauté mentale ou de l'esprit est plus belle que la beauté physique parce qu'elle dure sur le temps du samsara. Pour les bouddhistes, il n'est pas requis d'autre chose que de se purifier l'esprit. C'est la compréhension du kamma avec la compréhension que des résultats du kamma, une action bonne donne des résultats bons et des actions néfastes donnent des résultats néfastes. Donc la compréhension du kamma et de sa résultante et la compréhension des actions, ça s'appelle le kamma samadhi. Les actions néfastes mènent au malheur. Hier, Sayadaw a parlé de la nourriture que nous mangeons tous les jours et la compréhension des nourritures que nous prenons. Il y a la nourriture appropriée et celle qui est inappropriée. La nourriture appropriée, mangée avec modération, nous apporte la santé et est nourrissante. Si nous prenons de la nourriture non appropriée, cela peut ressembler à du poison parce que il y a des ingrédients qui ne sont pas appropriés à la consommation. Donc, si vous prenez de la nourriture appropriée avec modération, cela donnera des bons résultats. Et si vous évitez la nourriture inappropriée, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui est approprié et qu'est-ce qui n'est pas approprié en termes de nourriture. Des bons résultats si vous prenez de la nourriture appropriée et des mauvais résultats ou résultantes si elle est inappropriée. De la même façon, les actions, la parole ou l'attitude mentale, lorsqu'elle est néfaste, elle amène des résultantes néfastes, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Si nous avons une attitude qui est bonne et que nous évitons les attitudes néfastes, alors nous amènerons des résultats positifs et bons pour nous et pour les autres. Si nous avons une attitude bonne, mentalement, par l'action et par la parole, alors nous aurons des bons résultats. C'est une protection aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Donc c'est bien de comprendre l'importance des attitudes bonnes et d'éviter les attitudes néfastes pour nous-mêmes et pour les autres. Il y a les bonnes actions, j'ai manqué, il y a les kusala qui sont du jhana. Il y a les bonnes actions basées sur les dhanas. Pour faire court, il y a 3 chemins. Il y a par le kama, par le jhana ou l'absorption, ou par la sagesse pour la purification. Donc ce que les yogis pratiquent actuellement, c'est un de ces 3 chemins. C'est le chemin de la sagesse avec vipassana. Dans le chemin du kama, pour la purification, nous prenons les préceptes avec sila et la moralité. Et nous faisons aussi des dana, qui est la générosité. Là, cela fait partie du chemin du kama. Le chemin de la pratique du jhana pour la purification, c'est vraiment pour obtenir l'absorption. Ce que les yogis pratiquent ici, c'est la pratique du développement de la sagesse avec satipatthana, l'observation de l'esprit et du corps, et en atteignant étape par étape pour atteindre la purification. Dana signifie générosité, l'acte de donner. C'est un kusala. Il y a 2 sortes de générosité. Un, lorsqu'une personne donne parce qu'il veut donner quelque chose de matériel, ou donner pour rendre hommage à quelqu'un. Lorsque nous donnons, que ce soit en petite ou en grande quantité, nous faisons une action pure et qui donnera des résultats purs. Même si nous donnons des biens matériels, si nous n'abandonnons pas le désir de donner, ça ne suffit pas. Si nous ne pouvons pas donner, nous ne pourrons pas donner. Pour pouvoir donner, la personne doit déjà se libérer de l'avidité d'avoir l'objet pour lui-même. Pour pouvoir donner, nous devons être libres de l'avidité et de l'attachement pour l'objet que nous voulons donner. Donc cette liberté, cette libération de l'avidité est pure, elle est propre. Et c'est ça qui est un bon dana. Donc, que nous donnions 10 ou 100 ou 1000 euros, si nous avons de l'attachement pour cela, le don n'est pas libre. Il y a encore de l'attachement. Autant nous avons besoin d'être libres pour pouvoir donner ce que nous donnons, nous devons aussi être libres des attentes lorsque nous donnons. Être libre des attentes des résultats que l'on obtiendra en donnant. De la même façon, si nous pensons « je suis le donneur, c'est moi qui donne », nous ne sommes pas libres de cet attachement. Tant qu'il y a de l'avidité ou de l'attachement, il y a l'oba, et ce n'est pas sans reproche. Une bonne base pour donner, c'est vraiment la bonne volonté et la compassion pour ceux qui vont recevoir. Nous pouvons souhaiter puissent les receveurs être heureux, puissent-ils être comblés, puissent-ils être soulagés par le don que nous donnons. Lorsque nous donnons avec metta et avec karuna, avec amour et compassion, nous sommes libres de la colère envers celui qui reçoit. Lorsque nous donnons avec cette base en nous, qui est la metta et karuna, c'est vraiment kusala et c'est donné de façon pure. Le receveur sera très heureux de recevoir notre don. Et cela apporte la joie sympathique, mudita. Il est difficile pour les gens de se réjouir de l'accomplissement ou du bonheur des autres. Ils ne sont pas heureux lorsqu'ils voient des gens heureux. Ils ne veulent pas que les autres aient leurs choses ou d'autres choses plus qu'eux. Parce que souvent les gens sont jaloux de ce que les autres possèdent de plus. Et donc c'est difficile de ressentir cette joie sympathique, mudita, qui est une pure joie lorsque les autres sont heureux ou bien. Et lorsque nous donnons avec pureté, et lorsque nous n'attendons rien de la part du receveur, nous sommes aussi libres de la fierté de donner. De plus, si nous donnons avec la confiance qu'une bonne action amène des résultats bons et que des actions mauvaises amènent des résultats néfastes, nous donnerons avec cette pureté-là. Certaines personnes ne croient pas qu'une attitude bonne donne des résultats bons et qu'une attitude néfaste donne des résultats néfastes. C'est seulement lorsque nous croyons au kama sagata samadhi, lorsque nous comprenons le kama avec les bonnes actions et bonnes résultantes, que nous faisons des actions bonnes. Lorsque nous faisons des danas avec un esprit pur, notre esprit n'est pas confus et petit à petit nous atteignons la compréhension, la sagesse. Lorsque nous donnons, que ce soit en petite ou en grande quantité, il y a trois facteurs, trois choses qui doivent être remplies du côté du donneur et du côté du receveur pour que ce soit un don exceptionnel. Par exemple, lorsque nous avons vraiment la volonté de donner à cette personne parce que nous voulons l'aider, là c'est un désir important de donner. De plus, lorsque vous avez donné, vous devriez même être content à chaque fois que vous pensez que vous avez donné. Donc, que ce soit avant, pendant ou après le fait de donner, lorsqu'il y a un désir fort de donner, lorsque vous êtes heureux de donner et lorsque vous vous souvenez avec joie d'avoir donné, là cela donnera réellement des résultats très positifs. Du côté du receveur, il doit être libre du raga ou de l'attachement, libre de l'avidité, libre de dosa ou la colère, libre de moha, l'ignorance. Et même avant de recevoir, avant que cela n'arrive, la personne devrait être libre de l'oba, dosa, moha, libre de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Par exemple, les yogis qui pratiquent actuellement, ils pratiquent pour être libres de l'oba, dosa, moha. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le yogi médite, lorsqu'il observe? Pendant qu'il observe, il est libre de l'oba, dosa, moha, pendant qu'il observe et qu'il médite. Donc, par exemple, pendant une note de observation du soulèvement de l'abdomen, le plus il y a d'énergie pour observer, le plus vous retirez, vous extrayez la partie de l'oba, dosa, moha. Lorsque nous coupons dans l'écorce d'un arbre, c'est comme si on enlevait à chaque fois un petit peu de l'écorce. C'est ce que nous faisons lorsque nous pratiquons. De la même façon que nous coupons dans l'écorce de l'arbre, lorsque nous méditons, nous enlevons à chaque fois une couche de l'oba, dosa, moha. Et nous nous approchons du cœur de l'arbre. Et nous nous approchons donc de la purification. C'est comme si nous nous approchions de plus en plus de l'arbre du Dhamma en éliminant petit à petit l'oba, dosa, moha. Donc pour le yogi, à chaque fois qu'un objet apparaît, il est important d'observer l'objet lorsqu'il apparaît. De la même façon qu'un essuie-glace chasse les pluies lorsque ça tombe, lorsque les objets arrivent un à un, le yogi doit nommer, labelliser, faire l'effort d'observer l'objet lorsqu'il apparaît et atteindre l'objet et il y aura la clarté. Il va nettoyer C'est comme l'essuie-glace qui nettoie la pluie. Tout comme le donneur qui est libre de raga, dosa, moha, le yogi pratique et devient libre aussi de raga, dosa, moha lorsqu'il observe. Il est difficile de savoir combien d'eau il y a dans l'océan. De la même façon, il est difficile de savoir le résultat en donnant de façon pure. Les yogis peuvent se demander si je donne quelque chose, si je ne l'ai plus, comment puis-je recevoir un résultat positif de cela? Donc, lorsque vous donnez, puissiez-vous donner avec ces trois facteurs complètement remplis en tant que donneur, c'est-à-dire libre de raga, dosa, moha. Et lorsque vous recevez, puissiez-vous recevoir avec ces trois facteurs remplis également. Dans ce cas-là, chaque vie, une vie après l'autre, vous obtiendrez des résultats exceptionnels. Ça.